Levez la main si vous aimez les sciences. Levez-vous si vous avez de bonnes notes en sciences. Eva, pourquoi aimes-tu les sciences? Parce que c'est facile. Romane, est-ce que tu aimes les devoirs? Non, je n'aime pas les devoirs. Pourquoi pas? Parce que je préfère jouer avec mes amis. Qui est fort en français dans cette classe? Je suis fort en français. Moi aussi, je suis forte en français. Je suis nulle en français.